Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 6 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Hey, salut François Olivier. Salut Mathieu Plante. Hey, tu l'as pas reconnu. Hein? Quoi? Ouais. Tu sais pas? J'ai rien changé. Non, je sais. Mais pas reconnu. Non, tu l'as pas reconnu. Je pense que je deviens sénile. Ça se peut. Ça se peut. Tu m'as pas reconnu. Ça se peut. Ça doit être ça. Ah, je me reconnais plus moi-même quand même. Donc, bienvenue à Assemblage requis, cette émission matinale qu'on dit en pièces détachées. Hein. Oui, mais grosse nouvelle, ce matin, on n'est pas en direct. Non, comment ça, non? Écoute, on a eu un empêchement de force majeure. Ça veut dire que je peux sacrer? Oui, mais on va les couper au montage. Donc, ça va faire. Fait que là, comme je vais le faire, ça n'a pas paru. Là. C'est ça, exactement. Écoute, ouais. Tout le monde. T'sais. Hey! Hein, pompé? Oh, wow! C'est le fun du pas direct. ça a l'air tout à fait vrai, tout ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on devine qu'est-ce qu'on a, François? François Landry. Ouais. On va parler de politique. Ouais. Et je pense que ça va être sa dernière chronique. Oh non, pas déjà. Hey, je pense qu'on va... Il nous reste 2 semaines à l'émission, vous le savez, on termine le 20. C'est plate en titi. C'est plate en titi, s'il finit cette semaine, ça veut dire qu'on va avoir 2 semaines sans lui. Puis après ça, un autre comme 3 semaines pendant les fêtes. On le verra pas pendant 2 mois. J'arrondis. T'arrondis à la hausse. Mais écoute, ouais, il va nous manquer. Là. Écoute, un bon petit jeune homme, charmant, toujours à propos. Hein. Toujours à propos. À propos et approprié. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh ouais. C'est bien dit. C'est bien dit. Avant ça, qu'est-ce qu'on va voir à 8h? Maxime Bétuy, sa chronique ciné et télé, toujours très intéressant. Et lui, ça va être soit son avant-dernière, soit sa dernière. C'est sûr qu'on va le préciser à chaque chroniqueur. Là. C'est sûr que ça va peut-être devenir redondant comme France, c'est ta dernière. Mais ceux qui aiment les chroniques que je fais, moi, là, les miennes, là, ouais. le peu de gens qui aiment ça, là, ben, tenez-vous là pour dire, c'est ce qui va remplacer tous les chroniqueurs pendant les 2 prochaines semaines. Donc, au moins, il va y avoir du moi. Hein? Mm-hmm. Un petit peu d'amour là-dedans. Là. À 7h30, on a des invités. En fait, une invitée spéciale. Je crois que c'est une fille. Oui, exactement. On va recevoir Marie-Ève Ricard, responsable des cours en groupe sur musique au CAPS ici de QTR. Et évidemment, Matt, tu sais, ce matin, c'est la grande guignolée des médias. Oui, ben oui. Et puis... Non, je ne sais pas du tout, mais merci de me le dire. Écoute, tu vas le savoir aujourd'hui. En fait, à toutes les intersections, il va y avoir des gens pour ramasser des dons. Ça n'a pas une chance, même. Non, c'est ça. Il ne faut pas sortir aujourd'hui. Ben, ou sinon, écoute, on peut sortir et amener des cannes. C'est ça, faut sortir, faut donner. François, t'es donc ben plate. Amener des cannes, amener des céréales, amener des produits d'hygiène. Bref, écoute, de l'argent. Tampon. De l'argent. Mm-hmm. C'est important. Et puis, c'est ça. Dans le cadre de ça, en fait, là, il organise un méga workout ce jeudi, en fait, là, aujourd'hui. Et puis, écoute, on va en parler. 7h30, tout à l'heure. Ouais, exact. On va débuter l'émission tout de suite avec la musique de East Road, formation de Shawinigan, qu'on aime beaucoup. Shawinigan. Voici leur pièce October Road à Assemblage requis. Puis, ben, moi, je vous souhaite une bonne émission. Oui, profitez-en. Merci, 2 semaines après ça. Oui, on revient en direct tantôt. Hein. Tantôt, on va être en direct pour le reste d'émission. Okay. Ouais, parfait. Comment ça marche techniquement, tout ça? Je t'expliquerai ça. OK. Saturday morning, my heart is on the move. What if we will leave, my friend, for tomorrow? Saturday morning, my heart is on the move. Wanting too much, just take my things and go. Hit the road to the East Coast. Ferry to Magdalen Island. Hit the road to the East Coast, the October Road. yellow fields to turning brown. It rained all week in a gray background. Just bring your guitar and some good music. We'll drive all night and feel what's magic. Hit a road to the East Coast and take the ferry. October Road. Affaires, pis je cours tout le temps, pis tu sais bien que je suis pas fort ces prières. Sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles, pis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'à soir j'ai le cœur dans bouteille, pis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver, pis que ben vite ça va être le printemps. Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche, pis que je me revois de sécu, ça bâtisquant. Pogné d'un branche, pis toi qui me démêle, pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête, on était ben ça bâtisquant. C'est plus pareil, oh non. C'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine par en dedans. Tout le temps, papa, tu me disais souvent d'être à mon affaire pis de prendre mon temps. Je me tire partout, j'ai la vie qui s'en mêle, pogné des branches à tout bout de champ. Mais je me dis que si tu me checkes de ton perchoir, tu t'en fais pas trop, pis t'es confiant. Tu me tapes sur l'épaule, tu me brasses la tête, comme tu faisais sabbatisquant. C'est plus pareil, oh non. C'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en dedans. Bon, ça y est, je braille, tu parles d'une affaire. Toi, tu sourirais sûrement. Tu me prendrais l'épaule, tu me prendrais la tête. Puis tu me dirais, t'en fais pas mon grain. Tu me dirais aussi que la vie est belle. Et puis que la mort, ça fait son temps. Que tout le monde y passe, que ça fait de la peine. Mais que l'amour dure éternellement. C'est vrai, je t'aime, pis t'es là comme un géant, comme un grand soleil par en dedans. Hey Kuna! La pièce Vatican. Et que c'est triste. Très triste à écouter, mais. Ça me rend triste. Ça reste bon quand même. Ah, oh, tout à fait. Bien. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Et maintenant, François, il n'y a rien de triste là-dedans. Vous allez même triper bien raide. On va essayer. Carrément basant. Et c'est même trippant. Oui. C'est carrément. Dansant. C'est quoi qu'il dit? Je sais pas. C'est dansant. Dansant. Je pense qu'il dit c'est un fait. Ou pas. On n'a pas entendu ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables dans Assemblage Requis. Et aujourd'hui, c'est une chronique spéciale, François. Parce qu'on est spécial. Parce qu'on est des enfants spéciaux, comme on dit. en fait, je fais une chronique spéciale jeux vidéo. OK. Fait que tu comprendras pas grand-chose, je t'avertis d'avance. Parfait. C'est parfait de même, hein. Pas obligé de tout comprendre. Non. Rien du sexe dans la vie, François. Rien du sexe. Hey. Dans la version anglophone de Lunar 2 pour la PlayStation 1, la première PlayStation, il y a un œuf de Pâques, là, ce qu'on appelle quelque chose qu'on sait. C'est un œuf de Pâques, c'est quelque chose de caché, tu sais pas, mais quand tu le trouves, ça fait. Oups, il y a une petite blague, quelque chose là-dedans. OK. Donc, c'est qu'ils ont remplacé un bug qu'il y avait dans la version japonaise par un œuf de Pâques, par quelque chose qu'on peut trouver dans les autres versions du jeu. Donc, dans le premier boss, la première bataille avec un boss, si Hiro et Gwyn, ça c'est deux personnages, meurent à un certain moment qui empêche en fait le boss de se rendre à Lucia, la bataille ne se terminera jamais. Donc, le boss ne pourra pas tuer le dernier membre du groupe. Si la même condition est rencontrée dans la version anglophone du jeu, il y a un petit personnage qui s'appelle Ruby qui va juste voler à l'arrière-plan et va tuer le boss. Ah, Parce que c'était un glitch qui faisait que tu pouvais pas, dans le fond, tuer le boss. Ou ça finissait jamais. Ça finissait pas. Donc, ils ont remplacé ça par ça. C'est bien. Les Koopa Troopa dans les jeux de Mario sont inspirés par des créatures du folklore japonais qui s'appellent les Kappas. Les Kappas étaient d'à peu près de la grandeur d'un jeune garçon et étaient couverts d'écailles vertes. Est-ce qu'on dit des écailles? Est-ce que c'est féminin ou masculin? Je sais pas. Mais bref, ils aimaient les concombres, ces personnages-là. Ils aimaient la lutte sumo et ils aimaient jouer des tours, comme par exemple faire une flatulence très forte. Et regarder dans les kimonos des femmes, qui est un type de robe japonaise. Il y a aussi plusieurs histoires de Kappa qui apparemment noyaient des gens et des animaux. Donc les Koopa, bref, allaient être les seuls types d'ennemis dans les jeux de Super Mario Bros. Mais d'autres ennemis ont été ajoutés plus tard parce que les testeurs disaient que les Koopa étaient trop durs à battre. Tu sais, les Koopa, c'est sûr que tu sautes dessus pour les mettre dans leur carapace, puis après ça, tu les lances dans un ravin. Oh, trop dur! Ah, les jeux vidéo, à l'époque, ça avait l'air bien difficile de sauter sur une tortue. Hein. Quand même. Maintenant, c'est vraiment l'ennemi de base dans tous les Mario. Là, c'est quand même l'ennemi le plus facile à battre. Après les Goomba, évidemment. C'est juste sauter dessus. Alors, on reste dans le domaine de Mario. Mario Kart 64, à l'origine, contenait plusieurs logos. En fait, plusieurs hommages à des vrais produits du vrai monde. Par exemple, les cigarettes Marlboro qu'on remplaçait par Mario-ro. Mario-ro. C'était un logo qui ressemble à Mario Kart, hein? Dans Mario Kart 64, oui. La gasoline Agip, A-G-I-P. Il y avait aussi un hommage à Mobil One Oil et à Goodyear, la compagnie de pneus. Ils ont été modifiés à l'international pour deux raisons. Évidemment, les compagnies... Ils l'ont pas payé. Ils l'ont pas payé, c'est sûr. Vu que ça faisait une parodie de cigarettes dans un jeu pour enfants, c'était pas la meilleure chose. Ouais, et comme tu disais, les compagnies auraient pu les poursuivre. Très, très cool, Mario Kart. Ah, c'est au 64, c'était vraiment un succès, cool. Ah, ouais. Lequel est ton préféré? Mettons, tu as joué à tous les Mario Kart? Non, vraiment pas. Vraiment pas. 64, c'est celui que j'ai le plus joué, je pense. Super Nintendo, ce que tu avais joué? Ouais. C'était le fun, tu vois. Ouais, ouais, aussi. Mm-hmm. Aussi. Au GameCube, j'ai bien aimé l'aspect d'avoir deux joueurs sur la même voiture. Je sais pas si. Jamais. Hey Matt, j'ai une question comme ça qui me vient. Ça n'a pas rapport avec Mario Kart. Non. C'est quoi la console qui avait sorti dans le temps que tu te mettais sur les yeux? Virtual Boy. OK, c'est ça. Et ça, là... C'est un flop, hein? Un flop assez majestueux. C'est juste des lignes rouges. Oui, et ben c'était rouge et noir, exactement. Il y avait plusieurs jeux... Enfin, il n'y avait pas tant de jeux que ça, mais plusieurs grandes séries de jeux qui ont eu une portion de leur jeu. En fait, une partie de la série du jeu. Mettons, Wario, Wario. Il y en avait un sur le Virtual Boy. Et si tu veux compléter ta collection de jeux de Wario, mettons, ben, tu peux comme pas parce que c'est difficile de trouver un Virtual Boy. T'sais, pour les compléter... Mais ça doit se trouver encore? Ben, regarde, je suis sur eBay en ce moment. J'avais vérifié il y a quelques semaines de ça. Étrangement, ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Et en Buy It Now... console 62$, mais là, t'as seulement la console en Vietnam. C'est ça. L'ensemble au complet, je veux l'ensemble au complet. Les bids, avec tous les jeux? Il y en a un avec tous les jeux, 13 nouveaux jeux, comme je disais, 9, là, à 5600$ avec les jeux. Si, ok. C'est rare, là. C'est rare. J'aimerais vraiment l'avoir. Ça s'est pas vendu beaucoup. Non, vraiment pas. Il y avait de grands espoirs par rapport à cette console-là. Oui, tout à fait. Et c'est Nintendo qui sortait ça, non? Oui, c'est Nintendo, oui. OK. Bon, j'étais pas certain. Je vais juste aller voir c'était en quelle année. Quelle année, je te dirais... 98, non? Non, un petit peu avant ça, en 95. 95? C'est sorti en août 95, ça a été discontinué en mars 96. Et tu dis, ça a vraiment pas été long. Non, vraiment pas. Ils n'en ont pas vendu 0-0. Mais je comprenais pas. Je l'ai vaguement essayé là, de mémoire. Tu l'as essayé, Je me rappelle en avoir mis une sur mes yeux. Je sais pas s'il y en avait un exemplaire chez Walmart ou quoi que ce soit. Possiblement. Puis je comprenais pas. Je voyais juste des lignes. Mais tu sais, je me suis pas donné à... Je sais qu'il y avait un jeu de tennis, il y avait comme je dis, un jeu de Wario, un genre de Tetris, il y en avait... Mais ça n'a pas rapport à... En fait, là, c'était pas quand tu bougeais. Hein, non, c'est ça. Il fallait... C'était fixe. Ce qui était difficile, c'est que c'était... ça avait l'air d'une console portable, mais en fait, c'est une console de salon, en tout cas de cuisine ou de surface plane, où tu devais t'installer avec le trépied sur une table avec le truc devant les yeux et t'avais une manette dans les mains. Tu pouvais pas être assis? Tu pouvais être assis, okay. Mais tu pouvais pas bouger avec la... Tu pouvais pas prendre ça dans tes mains puis t'en aller avec et puis continuer de jouer. C'est pas une console portable. Non, c'est un système assez particulier. Allez voir sur Wikipédia, la page est très bien faite avec plusieurs photos. Virtual Boy, tu demandais le nombre d'unités vendues, ça dit 770 000. OK, 770 000. Même partout dans le monde? Ouais. Dieu sait qu'il y en a là-dedans qui fonctionnent plus. Et voilà. Mais sur eBay, ça se vend. J'aimerais juste savoir s'il y en avait une qui fonctionnait comme il faut. Ça m'intéresserait, j'aimerais l'essayer. Spider-Man 2, Enter Electro, a été rappelé, t'sais, recommandé. Les gens devaient renvoyer leur copie pour enlever tout ce qui avait rapport au World Trade Center. Activision et Vicarious Visions avaient peur de sortir un jeu qui se passait à New York avec en vedette les Twin Towers aussi proche de l'attaque sur le World Trade Center. Donc, ils ont dû renommer un tableau. Ils ont changé les dialogues et ils ont édité plusieurs structures à des moments clés du jeu. On voit une photo sur assemblagehockey.com du avant-après d'un tableau qui s'appelait Top of the World qu'ils ont changé pour The Best Laid Plans. Et tu vois, tu étais sur les tours, il y avait deux tours, évidemment. Et dans la version refaite, éditée, il y a un genre de petit pont entre les deux colonnes. Donc, ça a juste l'air d'une bâtisse avec une drôle de forme. Donc, c'est spécial quand même. Ensuite, parlons d'une pornographie. En fait, c'est une parodie pornographique. Il y en a deux, si je comprends bien. Donc, des parodies des jeux de Mario. Le premier s'appelle Super Hornio Brothers. Et il y a Super Hornio Brothers 2. Et Nintendo, en fait, est propriétaire des droits de ces deux films-là. Ils ont acheté les droits de ces films-là pour être sûr qu'ils ne ressortiraient jamais. C'est pas pire quand même. Nintendo a mis la main sur ces deux. Et les slogans, le slogan du deuxième, c'est « Hold on to your joystick ». Accrochez-vous à votre joystick. Évidemment, un joystick, pas grand jeu de Mario qui joue avec un joystick, mais bon, j'imagine que c'était le jeu de mots facile à faire avec les jeux vidéo. Hein. Ouais. Mais c'est bizarre qu'ils aient racheté ça. Tu sais, dans le sens que tu peux te partir un... je sais pas, là, en fait, le jeu de mots ne vient pas instantanément, mais avec Luigi qui... tu sais... Quelque chose non? Avec une moustache. Ouais. Ben. la bon. Version, les boîtes nord-américaines des jeux de Kirby. Tu connais Kirby, le petit fantôme rose? Ouais, j'ai jamais compris comment jouer, par exemple. Ouais, il y a tellement de façons. Il y a tellement eu de jeux de cette série-là qu'ils ont changé le principe assez souvent. Mais incroyable. Donc, Kirby, les boîtes nord-américaines des jeux sont éditées, sont changées pour que Kirby ait l'air plus fâché. On se dit que Nintendo of America a essayé de rendre Kirby plus cool et pour, comment dire, rendre ça moins enfantin comme cela au Japon. Okay. Il est vraiment plus souriant et plus sympathique, petite figure rose. Quand Pac-Man était en train d'être développé, le créateur du jeu Iwatani a dit qu'il a reçu beaucoup de pression pour que tous les fantômes... en fait, on lui demandait que les fantômes soient tous rouges. C'est le président de Namco qui lui demandait ça. Tous les fantômes veulent qu'ils soient rouges. Iwatani, je sais pas. Iwatani a refusé cet ordre-là. Et sur un questionnaire rempli par les testeurs du jeu, on leur demandait s'ils préféraient une seule couleur de fantôme ou quatre couleurs. Et aucune personne voulait avoir que des fantômes rouges. Donc, ça a convaincu le président de Namco qui avait tort. Et le jeu a été créé avec des fantômes de plusieurs couleurs. Inky Binky Pinky Clyde. J'ai fait cette blague-là hier à Maxime Bilodeau. Il l'a pas même compris, je pense. Inky Binky. Inky Binky Pinky Clyde. C'est le nom des quatre fantômes dans Pac-Man. Okay. En tout cas, on parlait de... Non, c'était avec Maxime Tanguy mardi. Bref, on s'en fout. Donc, le jeu a été créé pour attirer les filles dans le monde des jeux vidéo. Le créateur du jeu a remarqué que les femmes aimaient manger des desserts. D'accord, c'est moi ce qu'il a dit. Il a bâti le jeu autour de manger des choses. OK. On se rappelle tous, là, c'est fini par le fait que je vous ai sûrement dit mille fois, tout le monde va finir par le savoir, là, qu'à l'origine, Pac-Man, c'était Pac-Man. Ils l'ont changé parce que les gens allaient faire un F avec le P. Mm. Pac-Man voulait dire Munchman, donc bonhomme qui mange. Il nous reste quelques-uns, toujours dans cet fait, édition jeux vidéo. En 2010, les vendeurs de jeux vidéo, en fait les magasins de jeux vidéo du Royaume-Uni, Game et Game Station, ont créé une offre promotionnelle pour la sortie de Donkey Kong Country Returns, un de mes jeux préférés sur la Wii, où les 20 premiers clients à se rendre à des magasins sélectionnés pouvaient échanger des bananes contre une copie du jeu. C'est cool. C'est très cool. J'adore ça. Dans Donkey Kong, tu ramasses des bananes. C'est un peu les scènes du jeu. Ouais. C'est une très bonne idée. Le jeu pour la Wii U, Zombie U. T'as peut-être entendu parler si t'as vu quelques critiques de la Wii U. Zombie U, non. C'est un des jeux qui étaient les plus attendus pour la console. En fait, c'est une réimagination, pas un remake littéralement, mais ils ont réimaginé un des premiers titres de Ubisoft qui s'appelait, lui, Zombie Z-O-M-B-I. Des thèmes similaires et des mécaniques de jeu similaires sont utilisés dans les deux jeux. Si un personnage, si sa barre de santé descend, ils vont changer en zombie, ils vont se promener dans la pièce dans laquelle ils sont morts, un peu comme dans le jeu original. La différence principale, c'est que Zombie se passait dans un centre d'achat, comme Dawn of the Dead de George A. Romero, alors que Zombie U ne se passe pas dans un centre d'achat. Bon. T'as essayé Zombie U? Non, j'ai seulement Nintendo Land et Mario Wii U. J'ai pas encore joué à Nintendo Land, il va falloir que je m'y mette. Mais finalement, j'ai pas. Depuis que je l'ai acheté, ça fait quoi, deux semaines que je l'ai acheté? J'ai pas joué tant que ça, pas le temps. Mais je vais pouvoir très bien. Dans Deus Ex Human Revolution, Il y a ce qu'il appelle un dropship. Ça, c'est un genre de, j'imagine, d'hélicoptère, selon la photo. Un genre de ben, pas de vaisseau, là, mais une marine qui s'en va dans les airs. Une marine, et voilà. Donc, qui est utilisée, dans le fond, pour jouer dans le jeu, pour se promener. Elle a les lettres d'appellation ou d'appel BEE008 sur le côté. Mais dans les cutscenes, tu sais, les cinématiques, là, les scènes, dans le fond, de jeux vidéo dans lesquelles tu peux pas contrôler le personnage, ouais. Les petites cinématiques. Bref, dans ces scènes-là qui ont sûrement été développées avant ou plus tôt dans le développement du jeu, les lettres et les chiffres sont 800 BEE. 800, 13 unions B, 13 unions EE. Et on dirait que ça a été changé parce que le deuxième, 800 BE, ça ressemble à boobies. Uh-huh. C'est comme sur la calculatrice, les enfants américains, uh-huh. Ils aiment bien ça taper boobies. Donc ils l'ont changé pour que ce soit à la place BEE 008 dans le jeu. Faut pas qu'on puisse dire boobies. Rockman Dash, qui est la version japonaise de Mega Man Legends. Tu connais Mega Man? Mega Man, oui. C'est robot. Donc, il te donnait plus de liberté dans la version japonaise. Tu pouvais abuser de certains animaux. En fait, on te donnait même une liberté totale. Tu pouvais botter les animaux, tirer sur des oiseaux sans aucune pénalité. Ça a été un petit peu, disons, ramené dans le bon goût dans Mega Man Legends. Tu peux seulement botter un chien qui est d'une couleur un petit peu fade à un certain endroit dans la ville, dans la Old City Area, l'ancienne ville. Donc, sûrement parce que c'est le seul animal qui peut te sauter dessus et te faire mal. Et donc, là, il te laisse te défendre contre ce chien-là. Tu peux le botter. Mais tous les autres animaux qui, dans le fond, sont bien gentils, tu peux pas les botter. C'est spécial quand même. Et très intéressant, celui-là, Poison. En fait, c'est un ennemi du jeu Final Fight. Au départ, c'était supposé être une femme, membre d'un gang. C'était pour faire un petit peu un contraste par rapport à tous les gros méchants dans le jeu. Donc, ils voulaient avoir quelqu'un qui se démarquait. Ils ont choisi de mettre une femme dedans pour ajouter de la variété au jeu. Les développeurs savaient que frapper une femme dans un jeu vidéo allait sûrement causer la controverse. Donc, pour essayer d'éviter les hostilités, ils ont mis à jour le profil de Poison pour dire qu'elle est née un homme et qu'elle s'habillait en femme. Et la mise à jour n'était pas assez pour l'Amérique du Nord, donc Poison a été recoloré, ou en tout cas, et ils ont ajouté un deuxième personnage, donc ils ont comme séparé le personnage en deux, et son personnage Roxy a été remplacé par deux personnages hommes, qui s'appellent Billy et Sid. Ok, ça devient compliqué, là. Ouais, donc au Super Nintendo, c'est Billy et Sid, deux gars qui se ressemblent pas mal. Ok, qui ressemblent à une femme, j'imagine, un peu. Ben, peut-être, selon l'image, pas vraiment, non, c'est ça. Dans le fond, sur assemblagerequis.com, vous avez l'image de la femme dans Final Fight et des deux gars dans la version sur Super Nintendo. Bref, intéressante histoire. Les choses se passent tout à fait différemment d'un pays à l'autre, puis ça me fascine! Voilà pour cet effet Video Game Edition, si on veut. Bien. Faut tout le temps avoir une édition de quelque chose. On a appris plein d'affaires. Plein de choses. On va prendre une pause au retour. On parle de Workout pour la guignolée des médias. Workout, mais vous n'entendrez pas de MFO ici du tout. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Tour au bas, au beau milieu d'une salle comble, celle qui te mise au monde. Autrement dit, c'était ta mère qui démontrait son savoir-faire. Elle bougeait son bassin pour elle, pas de lendemain, comme si elle avait 20 ans de moins. Ses yeux qui brillaient dans le noir. C'est comme sa proie, MILF, j'ai vu ses griffes quand elle a sauté sur moi. Ta maman m'a doux et ton papa s'en fout. tente ta chance avec une femme d'expérience. Ou bien viens nous vivre une aventure avec une femme d'âge mûr. Contre mon corps s'est collé et dans l'oreille m'a chuchoté des mots si doux, des mots si tendres. Tu feras tellement un bon gendre. Elle m'a montré ta photo. Et puis ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou. Et puis ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou. Et puis ton papa s'en fout. Yeah. Ton mama ain't square, but your daddy don't care. Like your mother. Damien Robitaille, ta maman Mamadou. Hey, hein? Il y en a qui l'ont l'affaire, ta maman à Mamadou. Damien Robitaille. Damien Robitaille, on l'adore. Son album s'appelle Omniprésent. Maintenant, François-Olivier, on a une invitée spéciale en studio, Marie-Ève Ricard. Oui, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, on va parler de workout ce matin. Sujet en fait qu'on aborde plus ou moins souvent ici à Assemblage Reiki, ce qu'on fait le moins souvent dans la vie. Ouais. Mais écoute, il y a une activité qui se déroule sur le campus ici aujourd'hui dans le cadre de la Grande Guignolée. Oui, dans le cadre de la Grande Guignolée des médias. Donc, ça va être un méga workout qui se fait au CAPS de l'UQTR, okay, dans les gymnases 1. Puis, les gens peuvent amener des denrées non périssables et ou de l'argent. Puis c'est pour avoir accès au workout. Oui, c'est le coût d'entrée. OK, parfait. Simplement, fait qu'on va bouger pour une bonne cause. C'est de 3h30 à 4h30 cet après-midi. OK. Donc, le but, c'est d'aller rejoindre le plus de personnes possible puis de bouger pour une bonne cause. OK. Et y a-tu un minimum, j'imagine, qu'il faut que tu amènes ou... Non, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Là. Okay. Ouais, des denrées non périssables, ça peut être de l'argent, puis simplement la quantité qu'on peut. Quand on parle de denrées non périssables, on parle de quoi? On parle évidemment des cannes, ça, je pense que c'est la première chose qui me vient en tête. Oui, ça peut être des cannages simplement. Vraiment, tu sais, le but, c'est de récolter le plus de denrées. OK. Mais produits hygiéniques, ça, vous en prenez aussi? Oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être des vêtements, ça peut être... OK, des vêtements aussi? Wow, ouais. OK, très cool. Des jouets? Oui, tout à fait. OK. Oui, on prend tout ce que les gens peuvent nous offrir. Et puis de l'argent, évidemment. Oui, on va avoir aussi une petite tirelire là, pour mettre de l'argent si les gens préfèrent faire des dons. Et quel genre de workout, tu sais, mettons, tu te présentes là, tu amènes tes denrées, quel genre de workout? Oui, ben ça va prendre les souliers de course, une serviette, de l'eau. Ça va être Geneviève Fafard qui va donner ce workout-là, le super c'est dynamique. Pas toi? Non, ça sera pas moi. Ah, je t'assure, c'était toi. J'y vais pas. Ça va être Geneviève, non, elle est super, super bonne, une étudiante en ergo. Okay. Puis c'est ça, c'est elle qui va donner le workout. Donc, ça va être varié. Il va y avoir du cardio, il va y avoir de la musculation un petit peu à travers ça. Donc, plaisir assuré. OK. Là, tu parles de musculation dans le workout. Je savais pas que ça se faisait. Ouais. OK. En utilisant le poids du corps, là, ça peut être une super belle manière de... Genre des push-ups ou... Exemple. Okay. Ça me surprendrait qu'elle va faire des push-ups, mais ça peut être des squats. Trop basique pour toi, ça. Je fais pas de push-ups, là, quand même. Des push-ups, la tête à l'envers. Non, mais elle risque de pas faire des squats à travers des fentes. Elle risque de faire. Elle s'appelle Fafard. C'est Mathieu Plante. Elle va faire faire des affaires. Laisse faire. Je m'en veux, là. Parfait. Bon, un petit peu. toi, Marie-Ève, en fait, tu donnes des cours de workout aussi? Ouais, ben, au CAPS de l'UQTR, au fond, je suis responsable des cours en groupe sur musique là-bas. OK. Donc, ouais. Ça, en fait, les gens peuvent s'inscrire, j'imagine. C'est ouvert à tous. Oui, puis là, on est en plein dans l'horaire pour l'hiver 2013. Donc, les inscriptions sont vraiment en cours présentement. OK. Et puis, ça peut ressembler à quoi? C'est des soirs préprogrammés? Oui, bien, on a vraiment plusieurs. Autant le midi, en soirée, on a du CrossFit, on a du yoga, on a Le CrossFit, on en entend Zumba. Beaucoup parler. Oui, c'est à mode. Ouais. C'est à mode. Le Zumba aussi. Zumba aussi, okay. Oui. C'est pas juste un jeu, ça, hein? Non! Avec une petite grenouille qui ramasse des billes. Ah, c'est ça. Non, ça c'est Zuma par contre. Ah, ben Zuma, oui. Ouais. J'étais pas loin, là. Mais si c'était ça, là j'irais. Mais non, ça, c'est vraiment varié du yoga, puis la thèse. Aussi, là, on a deux nouveaux cours, Keydance, Keyforce, qui s'en viennent. Donc, c'est quoi Keydance? Keydance, ouais, c'est un peu comme du Zumba, sauf que les cours vont être encore plus variés dans le style de danse. Puis okay. Keyforce, ben là, ça va être que de la musculation. On peut utiliser des petits élastiques, puis le poids du corps encore pour faire de la musculation, vraiment rythmé sur un beat. J'ai une question stupide. Évidemment, on s'attend à rien de plus. Mathieu Plante, vas-y donc. Tu sais, les gens vont dire que. ça va être vraiment con. Les gens vont dire. On veut que... pas l'entendre. Oui, tu veux l'entendre. Les gens vont dire que le domaine de la pornographie, mettons, c'est mort parce que sur Internet, tu peux avoir de la pornographie gratuite. Donc, est-ce que ça même. Non, ça s'en va quelque part. Moi, c'est ça, est-ce que de l'autre bord, l'industrie du workout, tu penses, souffre, étant donné que c'est tellement populaire d'acheter Just Dance à Kinect ou Wii Fit, ça, oui. Est-ce que c'est pertinent comme question ou pas aussi, tu sais? Non. Non, mais c'est bon, ça vient rattacher un peu au quand c'est sorti toutes les DVD de workout, tout ça. Mais au fond. C'est pas pareil. Hein? Ben, les gens veulent le contact. Quand t'es là, tu leur donnes un cours, tu peux les corriger, tu peux avoir. Tu sais, la motivation est tellement différente, puis tu peux adapter l'entraînement pour eux. Ouais. Tandis que c'est quand vrai. T'es dans le salon, t'as aucune idée si tu fais les mouvements comme il faut, puis. C'est vrai. Si, ouais. Et si tu t'inscris à un cours aussi, t'es comme obligé d'y aller. Ouais, il y a ça. Plein, ça. Tu te sens mal s'il va pas. Ah, ouais. Fait que plusieurs, même les gars en salle de musculation, ils étaient là, ça a l'air le fun, votre cours, tu sais quoi faire, t'as la musique, c'est super motivant, t'as l'autre à côté qui est capable d'en faire comme deux de plus que toi, tu vas te pousser un peu plus, fait que l'orgueil sort, fait que c'est sûr que c'est plus motivant. Ouais. Bon, tu vois, je suis plus fier de ma question depuis que ça a donné quelque chose. Est-ce que tu ris encore de moi, toi? Non, c'est correct. C'est ça, bon. Je te pardonne. Tu t'entraînerais de moi. Donc, on rappelle que c'est entre 15h30 et 16h30 cet après-midi. On arrive avec des denrées non périssables. On part avec un sac brun rempli d'affaires. Oui. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut donner. Non. La générosité est appréciée. Oui. Puis on arrive bouge pour une bonne cause. C'est ça. Ça dure quoi? Une heure de 3h30 à 4h30? 3h30 à 4h30, oui. Une heure de workout. On va suivre. Intense. Génial. On aime ça. Merci, Marie-Ève Ricard. Merci. Tu reviens n'importe quand. Ouais. Parfait. Puis tu diras salut à Fafard, puis tu y feras le jeu de mots, puis tu diras Mathieu Plante, elle va écouter, puis elle va aimer bien. Parfait. On va continuer, nous, en musique. On va retourner avec une pièce de Ringo Dead Star sur leur album Mauve, sur le palmarès anglophone. Et puis après ça, en fait, la pièce, elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Rip. On va aller l'entendre. Et après ça, plus tard dans l'émission, on aura Maxime Bétuy et sa chronique Ciné et Télé. C'est ce qui s'en vient à Assemblage Rock. Yeah. la balle aux pieds, tout en jeu de pied et ballonné. Obusant, c'est précise, tendu en forme de crise. Voyons. La descente du coude. Et la pièce Généalogie. Généalogie. Assemblage requis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de semaine, lundi, je crois que c'était, on a parlé de ça. On a parlé de kawab.com. Vous avez peut-être découvert ça avant nous. En tout cas, moi je le connaissais pas avant lundi. Moi, ça me dit rien du tout. Mais ça a l'air que c'était. Ben, c'est pas c'est connu. C'est mode, un peu, pas non? Pas dedans. Okay. Pas dedans. En fait, on est encore, je pense, au début. Là. OK, on est encore hipster du kawab. Ouais. Donc, c'est ça. On avait fait un tour à Nicolas de Charles. Ouais, exactement. Ouais. Et là, il veut plus répondre. Non, c'est fini. Il ne répond plus. On peut plus. On y en a envoyé deux aujourd'hui, puis il nous aurait. Je veux rien savoir. Non, non, non, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est que tu choisis un message préenregistré, ça l'envoie à la personne et tu sais pas, dans le fond, comment tu sais ça pas que passe. T'as... Ouais, c'est sûr. L'autre personne ne sait pas que c'est un coup de téléphone. Non, c'est sûr. Et puis, laisse du temps aussi pour que tu puisses parler. C'est ça. Évidemment. Et c'est enregistré. Ouais. Et après ça, on t'envoie l'MP3 et puis tu peux t'amuser avec ça. Ouais, c'est ça. Et passer à la radio ou comme tu veux. Et la personne ne sait pas qui a fait ça. Non. Donc là, on est en train de chercher notre prochaine victime. Magasin, ça sent bien. On check ce qu'on peut faire. On regarde ça. Pour l'instant, nous, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre Maxime Béthu avec sa chronique ciné-télé qui s'en vient. Et c'est ce qu'on fait. On l'attend d'une façon remarquable. Remarquablement, mais on passe du bon moment quand même entre deux chroniqueurs. Des fois, tout à fait. Des fois, on a l'air de rien faire. Là. Hein? On va entendre Hunter Valentine et l'excellente pièce Liar Liar. Et puis après ça, ben, espérons-nous, allons-nous revenir. On travaille fort. Avec quelque chose de drôle. Là. Assemblage requis. You said we keep this back forever. Light wave lane, your curse from the start. You had your hands inside my pockets. Taking away everything I own. I keep my mind. Keep my mind straight, keep my mind straight. I keep my mind straight, keep my mind straight over you. Andrew Valentine et Liar Liar. Pants on fire. J'aime ça. Oui, c'est comme Jim Carrey, ça, Liar Liar. Oui, c'est vrai, menteur, menteur. Oui, oui, oui. Bon, tantôt, on parlait de coups de téléphone. Il y a des gens qui sont plates. Ça tombe à plat. Regardez ce qui s'est passé, il n'y a même pas deux secondes. Hey, le gars, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Vous allez bien rejoindre la boîte locale. Merde, on t'attend au job. Ça marche pas, ça. Non. Boîte locale, on n'aime pas ça. Par contre, je me dis que peut-être qu'on pourrait le réessayer. Je sais qu'on l'annonce peut-être un petit peu trop. T'sais? Puis peut-être qu'il y a des personnes qu'on veut cibler nous écoutent. Espérons qu'ils vont jouer le jeu si jamais ils reçoivent la belle. Mais j'ai envie de demander à quelqu'un d'autre que j'ai en tête un petit peu. Là. Quelqu'un qui a, avec qui ça a aussi raté plus tôt cette semaine. Okay. Je sais pas si tu me vois venir un petit peu là-dedans. Ouais, un petit peu. Par contre, on peut pas le faire aujourd'hui. On peut pas le faire aujourd'hui? Ah, on a plus de crédit. Plus de crédit. Attends un peu, attends un peu. Ça marche par adresse IP. Hein. Ouais, non, ça fonctionnerait là-dessus. Sur mais pour l'écouter en autre. Je vais t'arranger ça. Ah, ok, parfait. Je vais t'arranger ça. Parfait. Pour l'instant, on va écouter Chinatown. Voici Cassez-moi la tête. À Assemblage Rocky. Jonathan, et cassez-moi la tête à Assemblage Rocky. Cassez-moi la tête. On travaille tellement fort pour réussir notre coup de téléphone le matin. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Va bien savoir, matin. On essaie un dernier en ce moment. On va voir si ça va marcher. Moi, j'aurais envie d'aller entendre. Une autre dernière pièce. Parce que je sais qu'on a une nouvelle pièce des Wallflowers sur le palmarès anglophone. Parfait. Et Wallflowers, c'était bon leur pièce Hospital for Sinners, ça s'appelle. Ben oui. Ben oui, ben oui. Donc, leur nouvelle. En fait, non, attends un peu, on n'a pas de nouvelle pièce de Wallflowers. J'ai-tu bon palmarès? Pas sûr. Non, ça. Hein. Merci. Pas checker la date, là, mais. J'ai raison en direct. Non, je pense que c'est bon. Ben non, on n'a pas de nouveau Wallflowers, on a du nouveau Block Party par contre. Oh, on peut entendre ça. Ah, ben ça serait très bien, nouveau ah, Block oui, Party. Avec leur extrait Kettling, tout de suite. On s'en va entendre ça à Assemblage Requis. Kettling. Et d'ailleurs, si vous aimez hein, les palmarès, ça va être en direct cet après-midi. Oui, ben évidemment, vous pouvez pas vraiment les manquer hein, entre 15h et 18h. C'est un petit pan de mur de 3h. Un petit pan de mur. Et puis ça repasse les vendredis soirs entre 17h et 20h et lundi à 14h. Bon, voilà, Block Party, Kettling, Assemblage Requis. Kettling. Puis on réessaye, on fait tout pour vous. On va trouver quelqu'un, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Pas le choix, notamment parler. Pas le choix. C'était Block Party et la pièce Kettling à Assemblage Requis. Il est 7h59 et on se quitte pour l'instant. On revient tantôt avec la chronique ciné-télé de Maxime Bétuy. On va aussi avoir François Landry et Logo Crassi 101. Et Colin, que ça va pas bien pour écouter le téléphone. On essaie, puis ça marche pas. Je pense qu'il y a rien à faire là-dessus. C'est mort, cette histoire-là, on n'en parle plus. On fait pas sûr qu'on va en reparler. François Landry, son sujet, mais là, envoyez attention de quoi il va nous parler tantôt. Quand ça va mal pour Pauline, ça va mal. Ça va être le sujet de François Landry. Et puis avec Maxime Bétuy, dans quelques secondes, on va entre autres parler de... Allez, ouvre-toi! On va parler du dernier roman de J.K. Rowling qui va devenir un film. Vous savez, c'est Une place à prendre, le livre rouge qu'on voit partout en ce moment. Donc, on en parle avec Maxime dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est l'Info Campus Recherche. Hello. Hello. Hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 6 décembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et on est en direct des studios C'est fou à Trois-Rivières. Exactement, on est revenu en direct. Là. On est revenu. Là, on est en direct. Pour le reste de l'émission, on va être en direct à 100%. Ça va être génial. Et parlant de direct, on a réussi à faire quelque chose de pas mal direct dans ta face. Là. Enfin! Un coup de téléphone. En fait, ça a répondu et écoute, on l'a pas entendu. Non. On l'entend en même temps que vous autres. Ben, on écoute le début pour s'assurer que ça a répondu et que c'est pas comme Simon Fitzbé, un répondeur. Là. Ouais, c'est ça. Mais donc, voici ce que ça a donné il y a quelques secondes. Oui, allô? Hey, le gars! Qu'est-ce que tu fais, t'sais? T'es où? Là, merde, je t'attends au gym, ça prend une demi-heure, commande! Je pense que vous êtes trompé. C'est même toi qui m'a dit tantôt, là, gym bronzage, gym bronzage, gym bronzage, gym bronzage. C'est capotel. Allô? Attends-moi une seconde, man. Hein? Hey, excuse-moi, gros. C'est moi qui étais sur ta machine-là, là. Ah oui? Scrum. OK. Hey. Ah ouais, dépêche-toi, man. C'est plein de chicks, ça, là. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Come on. Ah, niaise pas, là, man. Amène-toi avec un chèque, je t'attends muscu, gros. J'aime bronzage. Oh. Bon, ça va faire. Ah, c'est beau. Wow! C'était pas supposé être à une fille, si t'appelles pas. C'était, t'as pas là, maintenant. C'était supposé être un gars, un de tes amis. Ouais, ben, en fait, on a assis sur son cellulaire, ça a pas répondu, donc on a assis à son domicile, et puis c'est sa copine qui répond. Bon, c'est comme ça. Mais bref, elle a trouvé ça drôle. Oui, c'était drôle. Donc, on la remercie. On la remercie d'avoir réussi à enfin exaucer nos voeux depuis le début de l'émission qu'on y était là-dessus. Maxime Bétuy est arrivé. Bon matin. Ça bon va? Bon matin. Oui, quand je vois comment il traite ses amis, ça me fait peur, mais enfin bon. Pas besoin d'ennemis, hein? Pas besoin d'ennemis. Ah, c'est amical, là. Ouais. Donc, on parle de ciné-télé avec Maxime Bétuy tous les jeudis matin et on commence avec Une place à prendre, qui est le dernier roman de J.K. Rowling, là, qui va lui aussi être adapté. Après l'immense succès de la saga Harry Potter à travers le monde, tant dans les rayons des librairies qu'au cinéma, il fallait s'attendre à ce que le nouveau roman de J.K. Rowling, Une place à prendre, un best-seller dès sa sortie, soit adapté d'une manière ou d'une autre. Et l'auteur a tranché, ce sera la télévision. Elle a ainsi déclaré « J'ai toujours eu le sentiment que si le roman devait être adapté, sa place serait la télévision et la BBC est le parfait endroit pour ce faire ». La BBC vient en effet d'en commander une première saison dont la durée et le nombre d'épisodes n'ont pas encore été choisis. Les discussions créatives préliminaires viennent seulement de commencer. Pour le moment, toutefois, on ne parle de mini-série, on ne parle pas de mini-série, mais bien d'une série tout court. Donc une série qui pourrait revenir pendant plusieurs saisons. Une mini-série, ouais. C'est quelque chose que tu sais que ça va durer 10 épisodes, puis c'est tout. C'est fini. Ouais. C'est fini. Mais voilà, du coup, je suis perdu. L'auteur aura en tout cas un rôle à jouer dans le processus. La diffusion est envisagée pour 2014 sur BBC One. Le roman se déroule dans un petit village anglais typique de Packford, dont les centres névralgiques sont la place du marché et l'ancienne abbaye. Derrière ces jolies maisons à l'apparence accueillante, c'est pourtant la guerre qui fait rage, celle qui déchire les riches et les pauvres, les parents et leurs enfants, les instituteurs et leurs élèves. Des sujets aussi vastes que la politique, la drogue, la prostitution et le viol y sont traités. Autant dire qu'on en est très loin du monde magique de l'apprenti sorcier. Ben oui, ça me fait plus penser à Virginie qu'à Harry Potter. Hein, ben. Oui, c'est vrai. En tout cas, je sais pas si je connais Virginie. Après les adaptations de Blanche-Neige au cinéma, on sait qu'il y en avait comme deux, trois. Là, deux. Disney cherche une actrice pour adapter Cendrillon. Saoirse Ronan, Alicia Vikander, Gabriella Wilde. Voici les trois actrices qui pourraient tenir le premier rôle de Cendrillon version Marc Romanek. C'est Variety qui révèle l'information. Les trois actrices devraient prochainement passer des essais selon le magazine américain. Si le nom de Saoirse Ronan évoque Anna ou Lovely Bones, on connaît moins les autres prétendantes au titre de Cendrillon. Alicia Vikander joue dans Royal Affairs, actuellement à l'affiche, et sera dans Anna Karenine en salle mercredi. Gabriella Wilde, quant à elle, était au casting des Trois Mousquetaires et sera bientôt dans Carrie la Revanche. Cette nouvelle version de Cendrillon est portée par Disney. Il s'agira d'une version modernisée du conte en prise de vue réelle sur un scénario de Chris Waits, scénariste de Pour un garçon. Cate Blanchett pourrait également figurer au casting. On a appris la semaine dernière auprès de Deadline qu'elle serait en discussion pour jouer la méchante belle-mère. Est-ce que tu veux savoir comment on prononce le nom de la fille? Parce que je ne sais pas moi non plus, puis ça m'intéressait, puis je suis allé voir sur YouTube. Vas-y. Bon, on va essayer d'écouter ça. À moins qu'il y ait une pub avant, comme toujours. Mais... Saoirse Ronan. Saoirse. Excuse me. Can you empty your pockets, Saoirse Ronan? I believe you have stolen my heart. Saoirse Ronan. C'est une vidéo. C'est dommage génial. Peux-tu vider tes poches? Je pense que t'as volé mon cœur. Saoirse Ronan. Saoirse. OK, on va le retenir pour... C'est un nom... C'est un peu bizarre. Oui, vous pouvez pas s'appeler, je sais pas moi, Émilie ou... Dormez plate, toi! On parle également d'une fille, tu sais, qui a un nom facile à prononcer, mais écrit bizarrement. C'est Kate Blanchett, Kate avec un C. Dans le casting du prochain film de George Clooney, The Monument Man, qui pourrait également être complété par la présence de Matt Damon. Le casting de The Monument Man, le quatrième long-métrage de George Clooney, devient à peu près aussi... pléthorique que celui d'Ocean's Eleven. Et justement, selon Deadline, un des héros du film de Soderbergh, Matt Damon, vieux complice de Clooney, pourrait rejoindre la distribution au sein de laquelle figurent déjà Daniel Craig, Bill Murray, Jean Dujardin et Kate Blanchett, ou encore John Goodman. Il n'est absolument pas question d'un gang de braqueurs, mais d'un groupe d'experts chargés en 1945 de retrouver les œuvres d'art volées par les nazis. George Clooney tournera son film en Europe le mois prochain. Intéressant. On enchaîne avec une bonne nouvelle pour les fans des X-Men. Oui, les choses se précisent au rayon des super-héros. Hugh Jackman sera très probablement à l'affiche de X-Men Days of Future Past. Après Ian McKellen et Patrick Stewart reprenant leurs rôles respectifs de Magneto et Professeur X dans le très attendu Days of Future Past dont je vous parlais la semaine dernière, on apprend cette semaine que Hugh Jackman, alias Wolverine, est actuellement en négociation pour faire partie de ce nouvel opus que réalisera Bryan Singer. L'acteur australien rejoint ainsi James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender et Nicolas Hoult, faisant suite à X-Men Le Commencement, où Jackman avait effectué un caméo mémorable d'ailleurs. X-Men Days of Future Past se centrera probablement sur une idée alléchante, celle d'un futur alternatif dans lequel les X-Men qui n'ont pas réussi à empêcher le meurtre d'un sénateur par les mauvais mutants se retrouveront traqués et internés par les Sentinelles dirigeant les États-Unis. Le film est prévu pour le 16 juillet 2014. Moi, je me demande si Hugh Jackman va se mettre à chanter parce que tu sais, c'est un grand oui. gars de comédie musicale. C'est lui qui est dans. Dans quel film récent? C'est pas Les Misérables, non, il est pas là-dedans. Si? Si, ouais! Si, si, si, si, oui! Si, si. Oui! Et voilà. Jean Valjean. Oui, un grand chanteur. Toujours au rayon des super-héros, on se demande qui sera le méchant du film Justice League. Encore une nouvelle à prendre avec des pincettes car il s'agit d'une rumeur. Latino Review pense avoir trouvé le nom du méchant qui figurera dans l'adaptation de Justice League, dont très peu d'infos ont filtré jusqu'à présent. Le film étant prévu pour 2015, il s'agirait de Darkseid. Pour les non-initiés, Darkseid est apparu pour la première fois en 1970 dans un album DC Comics. Il est l'un des personnages les plus puissants de l'univers DC. Parmi ses pouvoirs, il peut jeter des rayons pour désintégrer ou téléporter. Bref, un personnage suffisamment fort pour défier Superman, Green Lantern et compagnie. Superman est quant à lui attendu dans Man of Steel, prévu pour juin prochain. Un nouveau poster du film a été dévoilé cette semaine. On y voit Superman menotté et encerclé par quatre hommes en treillis, visiblement des militaires. On sait que le film est produit par Christopher Nolan et que donc il sera dans la même veine que The Dark Knight. Le producteur aurait-il poussé le réalisme à tel point qu'une paire de menottes suffirait à remplacer cette bonne vieille kryptonite ? Peu probable. En tout cas, la rumeur court qu'une première bande-annonce pourrait être diffusée avant la projection de The Hobbit. On risque d'être rapidement fixé sur la question. On termine avec le top 10 des acteurs les moins rentables d'Hollywood. C'est moins rentable. C'est le magazine Forbes. Moi, j'adore les classements de Forbes, de toute façon, qui publie ce classement chaque année. Cette fois encore, c'est qui? Oh non! Je l'ai vu. C'est Eddie Murphy qui décroche la première place. L'acteur vu cette année dans Mille mots, film que j'ai pas du tout entendu parler personnellement. C'est quoi ça? Décroche la première place du top 10 des acteurs les moins rentables ou les plus surpayés. Ça dépend comment vous voyez les choses. D'Hollywood, soit une place de mieux que l'an dernier. Ouh, bravo. Il déloge Drew Barrymore qui sort du classement. Alors on sait pas ce qu'elle a fait cette année, mais bon, visiblement, elle est pas dans le top 10. Peut-être qu'elle est que 11e. Catherine Hegel fait son entrée sur la deuxième marche du podium grâce à Recherche Bad Boy désespérément, encore un grand classique à voir je suppose. Et Reese, attention encore un nom de foufou, Witherspoon arrive en troisième position. Précisons que ce classement est établi en comparant les salaires des stars du box-office et aux recettes générées sur leurs trois derniers films. Ouais. En quatrième on a Sandra Bullock, en cinquième Jake Black, en sixième Nicolas Cage. Oh, ça m'étonne un peu, mais pas moi. Ouais. En 7e, Adam Sandler. En 8e, Denzel Washington, ce qui m'étonne aussi un peu. Ben Stiller est 9e et Sarah Jessica Parker est 10e. Étrange, quand même. Ouais. Mm-hmm. On sait que c'était des succès. Ouais. Sarah Jessica Parker, c'est ouais, mais elle n'a rien fait cette année aussi, c'est ça, peut-être. Ouais, c'est les trois derniers films. Les trois derniers films, okay. Il y a quand même ça à faire. Je crois que Sarah Jessica Parker, depuis Sex and the City, elle n'a rien fait de... C'est vrai. En tout cas, on passe à l'actualité des séries maintenant. Oui. Annoncé début novembre, le probable spin-off de NCIS Los Angeles prend peu à peu forme. La chaîne CBS vient par exemple de livrer un descriptif des membres de cette future équipe mobile composée d'agents habilités à intervenir sur la totalité du territoire américain afin de résoudre des crimes particulièrement graves. Je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines, si vous vous souvenez. Bon, on rappelle que c'était le spin-off d'un spin-off. Donc voilà. NCIS a donné NCIS Los Angeles qui va donner cette future série. Voilà. Donc ils sont 5, 3 hommes et 2 femmes. On a Paris, agent spécial, 2 fois divorcé. Cette jeune femme est aussi sexy que forte et intelligente, une vraie badass exceptionnelle dans tous les domaines. Son seul défaut, elle préfère travailler toute seule. De gips, sexy. On a ensuite Roy, agent spécial, officiellement retraité, il travaille pourtant toujours pour les opérations spéciales, l'enquêteur le plus rusé de l'équipe. Et sexy. Ils sont tous sexy. Danny, expert médico-légal, ex-flic de New York, doué pour à peu près tout, sauf la conduite. Clara, agent spécial, la tête de l'équipe, avocate, photographe et spécialiste des questions militaires. Elle est en plus considérée comme une magnifique jeune femme, non. Elle aussi, même si elle se voit davantage comme un garçon manqué. Ouais, le garçon manqué de type ouais. Hollywood, c'est pas mal, ça reste sexy pareil. Y a pas de moche à Hollywood, hein. C'est désespérant. Et ensuite, on a Kay, le geek de la bande, capable de tout avec un clavier sous les doigts. Il est comme le petit frère de toute cette équipe. Ah, toutes les émissions sont pareilles. Hein. Ouais, non, ça, mais c'est impressionnant. Hein. C'est un geek sexy. C'est dans le fond, ils vont prendre un geek sexy, ils vont y mettre des lunettes, puis oups, c'est là un geek. Voilà. Et c'est le fun. Cette équipe devrait être introduite dans un futur épisode de la saison 4 de NCIS Los Angeles. Dans la foulée, si les téléspectateurs sont au rendez-vous et si le concept tient la route, la chaîne CBS pourrait commander la série. Puisqu'on parle de spin-off, on enchaîne avec Spartacus, la série phare de Starz entame son ultime saison à partir du 25 janvier 2013 avec un troisième chapitre intitulé World of the Dane. Je vous en avais parlé aussi. Oui. Mais la chaîne câblée américaine a une petite idée derrière la tête pour prolonger l'aventure. Un spin-off centré sur César que les téléspectateurs vont d'ailleurs bientôt découvrir sous les traits de Todd Lazenz. Une éventualité déjà évoquée par le créateur Steven S. DeKnight dans le passé, mais qui semble donc se préciser au mesure que la date se rapproche. Là aussi, on essaye de tirer un peu sur la corde. Ouais, c'est ça. On est sur la sauce. On enchaîne avec AMC qui prépare l'après Breaking Bad et Mad Men. Ça va être difficile pour eux parce que c'est vraiment les grosses séries. De plus en plus souvent présentée comme la nouvelle HBO, AMC a encore du pain sur la planche avant de proposer aux téléspectateurs autant de séries cultes que son aîné. Breaking Bad, s'achèvera l'été prochain avec la suite et fin de la 5e saison. Mad Men, selon les vœux de son créateur Matthew Weiner, ne dépassera sûrement pas les 7 saisons. The Killing Us a été annulé puis finalement repêché, bien qu'une annonce officielle n'ait encore eu lieu. C'est l'adaptation d'une série, j'imagine, britannique, ça? The Killing US? Ouais. Ah bah, je pense. Je connais pas. Bah, le titre, c'est The Killing, entre parenthèses, US. Ah d'accord. Sûrement un remake, j'imagine. Ouais, possible. Bon. Le renouvellement de Hell on Wheels pour une troisième saison dépendra de la capacité des producteurs à trouver un nouveau showrunner après le départ du précédent. Il n'y a donc plus que sur The Walking Dead, qui continue de cartonner avec plus de 10 millions d'accros chaque semaine, que la chaîne peut compter sur le long terme. Le moment est venu pour elle de penser à l'avenir en renouvelant son offre. Et donc, il y a quelques mois, AMC avait commandé 2 pilotes dont les tournages se sont achevés récemment. Dans Low Winter Sun, adapté d'une mini-série anglaise, un inspecteur de la police de Détroit sombre peu à peu dans l'univers de la pègre après avoir tué un autre policier. Mark Strong, Lenin James et Spike Graydon interprètent les personnages principaux de ce drama créé par l'un des producteurs exécutifs d'Esprit Criminel. Dans Untitled, La Gravenaise et Godwin Project. Les Untitled, quelque chose et quelque chose Project, c'est le nom de travail d'une série. Ouais, d'accord. D'en avoir trouvé. Un procureur découvre un nouvel indice permettant de rouvrir une retentissante affaire de meurtre. Le casting comprend notamment Marine Ireland, Damon Gupton et Paul Schneider. La chaîne se prononcera prochainement sur le sort de ces deux projets. Tu vois, c'est tout le temps des adaptations de séries britanniques. C'est difficile. Pourquoi est-ce qu'ils amènent pas juste la version britannique? Je comprends pas pourquoi refaire les séries. Et l'autre dont on parlait tantôt, juste avant que ce soit comme trop loin pour qu'on en parle dans 2-3 minutes, puis le monde va avoir oublié. The Killing US, c'est une version américaine d'un drame danois. D'accord. Danois. Au moins, on s'éloigne un peu du Royaume-Uni. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est bien. Mais il y a un problème quand même, de renouvellement de nouvelles idées à Hollywood en ce moment. On préfère faire des préquels, des remakes, des reboots que... Enfin, je sais pas. C'est dommage. Deux autres pilotes entrent désormais dans la course et seront tournés dans le courant de l'année 2013. Holt and Cashfire se déroule au cœur des années 80 au Texas et s'intéresse à un visionnaire, un ingénieur et un prodige spécialisé dans la micro-informatique qui confronte leurs inventions et innovations aux géants de l'époque. Leurs relations sont alors mises à rude épreuve entre convoitise, jalousie et crise d'ego. Ça peut être très intéressant, je trouve. Turn, adapté d'un roman de Washington Spice par le créateur de Nikita de la CW, pardon, Craig Silverstein se situe à l'été 1778. Un fermier new-yorkais nommé Abe Woodhull recrute des amis d'enfance pour former avec eux un groupe d'espions qui inversera le cours de l'histoire des États-Unis dans son combat pour l'indépendance. Celui-là m'intéresse moins. Non, moi je suis pas sûr. Et on termine avec une nouvelle série. Dans la lignée d'Homeland, ce thriller sera diffusé à partir du 30 janvier 2013 sur la chaîne câblée américaine FX. Les Americans débarquent le 30 janvier à 22h. Donc c'est le nom de la série, les Americans? Ouais, The Americans. La série d'espionnage qui s'inscrit clairement dans la lignée d'Homeland, programmée par la concurrente Showtime, suit Elizabeth, alias Kerry Russell. Oh, Kerry Russell! Est-ce que tu te rappelles Kerry Russell dans Felicity? Est-ce que ça jouait, non? Non, oh là non. T'es joli? C'est joli. Philip Jennings, interprété par Matthew Rhys, deux espions du KGB installés dans la banlieue de Washington au début des années 80, juste après l'élection de Ronald Reagan à la présidence. Se sentant une certaine affinité pour le mode de vie américain, le couple voit ses convictions mises à rude épreuve. Assumer une double identité va devenir de plus en plus difficile pour eux, d'autant qu'en cette période de guerre froide, le moindre faux pas peut coûter la vie. Pas mal bon ça. Ouais. J'ai hâte de voir qu'il arrive à ça dans quelque chose d'autre. Dans Felicity, c'était un petit peu plus petite, dramatique émission pour filles. Ouais. J'ai vu dans des comédies et je trouve qu'elle était très très bonne. Donc, on dirait qu'elle est très polyvalente. Et, en tant qu'espionne, j'ai de la difficulté à l'imaginer. Ouais, mais si c'est une sorte de Mr. and Mrs. Smith de l'espionnage, ça peut être aussi assez drôle. Fascinant, j'aime ça. Donc, la chronique ciné-télé de Maxime Bétuy, merci beaucoup. Tu restes avec nous jusqu'à. En tout cas, c'est pas encore confirmé, on va s'en reparler, mais potentiellement jusqu'à la fin de la session. Oui, un petit teaser. Peut-être qu'il me reste deux chroniques. C'est très réussi. Maxime Bétuy, jeudi prochain, du moins, pour l'instant, à 8h. Oui, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, on reçoit François Landry. François Olivier. Oui, on va parler de politique. Imagine s'il s'appelait François Landry, François Olivier. C'est comme 4 ça, ouais, ça serait compliqué. Composé. Aujourd'hui, son sujet, est-ce que tu le sais? Pauline, ça va pas bien pour Pauline. Pauline! Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Je sais pas. Hein. On va savoir avec François Landry. C'est... Lui, il va nous dire. Pas le choix. Bon. Peut-être se reconvertir au cinéma. Peut-être. Oh. Et même à ça. Je sais pas. T'irais pas la voir au cinéma? Ah. Tu veux pas lui donner d'argent, toi? Oh. Alors, on écoute une pièce de l'album d'Atomic Baobab qui s'appelle L'atterrissage sur le palmarès francophone Assemblage requis. Ça, c'est fou. 89 FM. Trop, hein? C'est trop. Trop profond dans la gorge. Hein? Ramenez le serpent. de toutes les culottes dans mon écran. Pas de clos, je suis tout nu. Je regarde en photo, j'entends des trames sonores. Bon, ben quoi, ça a l'air plus dans dehors. Retour à la chronique politique, le Congrès 601 avec François Landry et Assemblage requis. Et vite de même, c'est dit. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Lundi. Assemblage requis. OK, François, lundi à l'émission, je pense qu'on a, Sébastien Dulude, OK? Il va faire sa chronique, va voir ailleurs, je suis. OK. Après ça, à 8h30, comme c'était passé, on a Alexandra Carignan. Okay. The Car Carignan. The Car. Avec sa chronique, le temps d'écrire ça. C'est lundi, 7h, Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. En pièces. Détaché, Mathieu, Blonde, François, Olivier, Marchand. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Matt! Quoi? François Landry envoie un texto avec des lettres. Pas ben, chiffres, ouais, ben, jet, c'est... Avec mes deux pouces, t'es deux en même temps. Ouais. Ah, et puis, il a comme flippé son, son cellulaire. Je pointe de quoi? C'est un quelle sorte? C'est un quoi? Blackberry? T'es-tu fou, toi? Tu fou? C'est un... Attends une minute, là... T'as un téléphone c'est ça, là, un Samsung. Là, c'est un Samsung. Samsung. C'est ça, Samsung, Samsung. Eh bien, ben, il est bon en tout cas. Il a l'air, ouais, il est bien. Félicitations, ouais. M. Landry. Super, ouais, hein? fait plaisir. Beau merci, projet. Merci, merci. T'as changé tes sonneries, t'as réussi à te magasiner des affaires. Et... Non, je télécharge rien là-dessus. Moi, je prends ceux qui sont de démo dedans. Les chansons de musique classique, là. Genre les moins pires, là. Exactement. Donc, François Landry, c'est lui, l'homme de la technologie, l'homme qui a vu l'homme qui avait l'ours. Non, l'homme qui a jamais vu l'ordinateur de sa vie. Voici le Gocratie sans un... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. La pompe royale, royale. Est-ce que tu lui as dit, François, bonne fête, collègue, s'il vous plaît? Est-ce que tu lui as dit ça? Bonne fête, collègue, s'il vous plaît. Merci, collègue. Merci. C'est vrai, c'était quand ta fête? C'était fin de semaine passée. Samedi, pendant samedi. Le Rassemblement national étudiant. Donc, je travaillais pendant ma fête avec mes collègues de l'AC. C'était très intéressant. Tes collègues que tu as l'air d'apprécier particulièrement? Hein? J'adore l'AC. Ben oui. Ouais, ça a quand même brassé. Je sais pas si il y a eu des bons débats virils. Des bons débats? Ah, ouais. Mais on a retrouvé l'UQTR ici un peu à l'envers. On a porté plainte. OK. Ah oui, bon, OK. Oh oui, inquiétez-vous pas, c'est fait. Oh, oui. C'est sérieux, là. Oh oui, non, c'est gros, là. Pas gros, là. Mais parce que là, on veut savoir pourquoi, là, pourquoi ça brassait, là. Ben, en fait, il y a des autocollants qui ont été retrouvés sur les écrans du studio. On est en train de vérifier... Les caméras? Non, les caméras, les suspects ont déjà été appréhendés. Oh, on sait c'est par qui. Oui, la sécurité de l'UQTR, c'est qui. Nous autres, on le sait pas, parce qu'on n'a pas accès à ça. Non. Ils font les démarches, évidemment, mais nous, on a demandé à ce que le vandalisme sur le campus cesse. OK. Ouais, parce que c'est plate. Après ça, c'est vous qui est pogné avec ça. Nous autres, on les accueille ici, on s'offre pour les accueillir, puis c'est un point central du Québec. Et puis, on espère que ça se passe bien. Ouais. Puis là, il y a quelques hurluberlus. Je ne veux pas généraliser. Ça vient de 2-3 personnes. 2-3 personnes qui l'ont fait. Et puis, bon, comme il y a une association qui organise, c'est envers elle que nous allons nous adresser. Simplement. Bon, eh ben, c'est malheureux tout ça, hein? Eh oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, par contre, on parle de Pauline Marois. Pauline! Encore Pauline! Ouais. Ben oui. Pauline. Votre sujet préféré? Pauline. On n'a pas le choix parce que Pauline a fait l'actualité à elle tout seule. Elle agit ou elle agit pas, elle fait quand même la une des journaux. Ouais. Hein? Bon. Puis, juste un clin d'œil. Hier, c'était la loi 101 revisitée qui a été déposée comme projet de loi. Là. Return of Law 101. J'aime pas ça de même. Son of Law 101. Contrairement. Ben, oui. Donc, elle a fait dans sa conférence, le français recule au Québec, blablabla. Bla, bla. Là, il y a du monde qui ont dit, Pauline, toi, t'arrêtes pas de reculer au Québec. Fait que, hein? Un pour un. Beep, beep, voilà. Fait que c'était juste comique. C'est que ça émane de la salle des journalistes. C'était comique. Bon. Ça, je trouvais ça. C'était mon petit clin d'œil la journée. Envers Pauline. T'es comme Stéphane Laporte avec ton petit clin d'œil. Ouais. Ah, oui. Je l'aime, Stéphane Laporte. Là-dessus. Oui, ben oui. Ouais, il est comique. Sauf qu'il met sur Twitter 2-3 jours à l'avance. Fait que. Ah ouais? Ouais, il est de même. Il est test. Puis le plus de retweets, c'est celui qui publie à la presse. Ouais, tu sais, les humoristes font ça, tester leur matériel. Ils testent sur Twitter, puis... Ouais. C'est pas que ça tombe à plat non plus dans le journal. Par contre, je me dis, tu sais, il me semble que s'ils testaient tant que ça, ils seraient tout le temps à bon à chaque jour, non? Il y en a qui tombent à plat, moi, pour moi. Mais tu sais, c'est l'humour. C'est en même temps, avant, ils testaient comment? Tu sais, ça fonctionnait avec une chaîne de courriel, peut-être, je sais pas. Une chaîne de courriel. C'est bar, ils sont petits. Ouais, c'est ça. La gang de Star Academy, peut-être, je sais pas. Faudrait voir. C'est pas une référence à la population. Mais Grégory Charles a une participation exceptionnelle sur l'album de Noël de Star Academy. C'est écrit dessus, c'est marqué une performance exceptionnelle. Avez-vous reçu le disque? Non, je sais pas, je l'ai vu. C'était au dépanneur dans un présentoir en carton. OK, tu sais. OK. Non, parce que j'aurais voulu avoir une toune de Star Academy, moi. Je peux te trouver ça si tu veux. Non, ça va aller. Perds pas ton temps. Sur iTunes, une pièce. Pour ta fête, écoute, on peut faire n'importe quoi. Ah ouais? Chanter n'importe quoi. Non? Donc oui, je veux revenir à notre chère Popo, notre chère première Popo! Ministre. Popo! Popo, ouais. On est ça veut pas dire caca, ça, Popo? En anglais? Popo. Les deux. Ah, c'est... Les deux. C'est mitigé. Donc oui, Pauline Marois qui fait encore jaser d'elle parce que, pour deux choses, entre autres... Elle se cherche. Disons qu'elle est aux vacances, elle. Je suis sûr qu'elle a bien hâte aux vacances reposées. Parce que, bon, la semaine passée, le ministre de l'Environnement, Daniel Breton, a dû démissionner ou se faire démissionner, ça l'histoire nous le dira un jour, de son poste de ministre parce que les journaux ont révélé un passé assez trouble. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, honnêtement, là, je trouve ça niaiseux. Qu'il n'y ait pas, tu sais, qu'il y a eu des infractions routières. Écoute, tout le monde en fait. Tout le monde en fait, oui. Mais là, il roulait à 275 km/h avec une Porsche. la logique humaine veut que le speedomètre arrête de 230. T'sais, il va pas plus loin que ça. Là. Puis, pourquoi 275 km/h? Si tu veux aller aussi vite que ça, prends un jet. Là, c'est pas moi. C'était précis. Ah non, c'est rapide. Écoute, j'avais pas réussi à savoir la vitesse. Hein, non, ben 275 km/h ouais, sur une autoroute. Là. On s'entend qu'à 120... Au moins, c'est pas d'une zone scolaire. Là. Et ça, non, ça aurait été impardonnable. Ouais. On s'entend que. Mais t'aurais plus jamais reconduit. Et puis, pour son logement dit insalubre ou pas payé, je veux bien croire, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à payer leur logement, mais il y a toujours des arrangements. Ça a l'air que c'est la goutte qui aurait fait déborder le vase auprès de Pauline Marois. Puis ça dit là, en tant qu'un locataire, tu te dois de te responsabiliser. Tu te dois. Il y a des moyens, il y a des. Ben, il y a des moyens. Des ententes avec le propriétaire, t'aurais pu prendre, tu sais, des versements égaux. Ben, il y en avait pris, non? Non, il y a rien. Selon le propriétaire, rien. Donc, il lui devait 8 000 $ de logement en tout. C'est beaucoup. Mais bon, tout ça pour dire que l'opposition voulait la tête du député Breton, du ministre Breton, parce que c'est un... Mais ils vont prendre toutes les têtes possibles. Ouais, le plus possible, mais surtout lui, parce que lui, c'est un goon de l'environnement. Lui, il rouvre pas de porte, il défonce. Puis on sait qu'il est très radical côté environnement. Ça aurait fait du bien au Québec d'avoir quelqu'un qui n'est pas à l'écoute des multinationales pollueurs, mais ouais, qui s'en sac un peu, là. C'est ça. Mais quelqu'un qui écoute plus son instinct de bon Québécois qui aime manger du gazon vert. Et la grande logique. Et la grande logique. Donc, beaucoup l'ont pas aimé, puisqu'il a brassé la cage pour le nucléaire, entre autres, pour le gaz de schiste, pour le plan Nord, puis le bureau d'audience publique qui est en environnement aussi. Donc, l'opposition grinçait les dents, puis les journalistes se sont accaparés de la nouvelle. Son curriculum vitae, dans le fond, son passé a été dévoilé dans les médias par une fuite. C'est sûr. Est-ce que ça provient du gouvernement? Est-ce que ça provient des partis d'opposition? Ça, on ne saura jamais. Ben, des partis d'opposition, c'est sûr. Tu veux pas dans ton gouvernement... Non, parce que, il y a certaines rumeurs qui circulent sur la colline parlementaire comme quoi il y a beaucoup, beaucoup de péquistes qui sont contents qu'ils ne soient plus là. OK. Parce qu'ils dérangeaient, justement. Il n'y avait pas le profil péquiste. Demandez-moi pas c'est quoi le profil péquiste. Je ne savais pas qu'il y avait... Un profil péquiste? Je pensais pas que tu venais au monde avec des gènes péquistes ou libérales. Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Wacky. Oui, exactement. Ouais. Ce qu'on a entendu off the record, c'est qu'il y a beaucoup de députés péquistes qui se sont dit soulagés qu'ils ne sont plus là. Est-ce que c'est une mission à l'interne pour le faire évacuer sobrement? Peut-être. Mais lui, il reste député. Il reste député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Donc, le Parti québécois ne perd pas... Non, il ne perd pas de siège. C'est juste l'image qui est entachée une fois de plus. Parce qu'on s'entend que depuis le début du mandat, les bons coups, on peut les compter sur le doigt d'une main. Et puis les mauvais coups, on n'a pas assez de doigts dans le studio, même avec nos orteils, pour les compter. OK? Mais c'est la réalité quand même. Donc, Pauline Marois n'a pas eu le choix de faire un mini remaniement ministériel cette semaine. Puis elle a procédé mardi à la nomination de Yves-François Blanchet, notre cher goon par excellence du Parti québécois. C'est pas moi qui le nomme de même. C'est vraiment les journalistes, les politiciens qui le nomment de même parce que c'est un homme qui est prêt à monter au bat, au front, pour défendre ses idées, son parti et surtout sa chef. Pendant la crise l'an dernier, vous vous en souvenez quand Pauline Marois avait été vraiment amochée, attaquée de toutes parts, sa tête sur le bio. Lui, d'une indéfectible loyauté, merci Mathieu, envers sa chef. Il avait dénoncé les opposants, ils étaient ralliés à elle. Couteau à deux tranchants. Il l'a protégée, il a mangé des baffes pour elle. Puis aujourd'hui, il se voit récompensé en ayant un des plus gros ministères du Québec, le ministère de l'Environnement. Mais c'est le même que ça fonctionne. C'est pas par les connaissances sur l'environnement, c'est par ton mérite d'avoir un poste bien placé. Voilà, parce que ça revient à la discrétion du ou de la première ministre du Québec de donner des postes de ministre. Ouais, de placer des gens. Un peu comme... elle a fait un placement cette semaine. Pas un placement, un placement ministériel. Ouais. Mais Boisclair... Oui, ça, c'est mon deuxième sujet. Mon deuxième sujet. Parce que plus t'es proche de Pauline, plus tu risques d'avoir des bons postes, mais plus t'es loin d'elle, plus t'es sûr d'avoir un bon poste aussi. Parce que le proverbe, là, mon Dieu, protégez-moi de mes ennemis. Garder tes ennemis plus proches pas besoin d'ennemis quand t'as des amis de même, non? Non, mais c'est genre, faut garder nos amis proches, nos ennemis encore plus proches. Ouais, c'est ça. Pour être sûr de bien surveiller. Donc oui, je vais revenir tantôt sur le cas Boisclair. Mais Yves-François Blanchet, député de Johnson, sera également responsable, enfin, de la Mauricie et du centre du Québec. On sait que à la nomination en septembre, Noël Champagne, notre cher député de Champlain, c'était certain d'avoir un ministère ou du moins être responsable de la Mauricie et centre du Québec. Et puis non, la fidèle alliée de Pauline, Noëlla, n'a rien eu. Donc là, on s'est dit, qui va être responsable? C'était Bernard Drinville, okay. En Montérégie. Qui était responsable ici. Huh. On s'excuse, mais moi, je l'ai en chambre. Il vient pas souvent, là. Un moment donné, je dis, cette île, au moins, c'est où Saint-Boniface? Non. Non, réponse non. Non, la réponse était au Manitoba. Saint-Boniface en Mauricie. Oui. Ah. Et puis, donc, Yves-François Blanchet, élu pour la première fois en 2008. Et ceux qui suivent la musique très pop, là, c'est l'ancien gérant d'Éric Lapointe. Faut pas l'oublier, hein? Yves-François Blanchet, c'est son ancien gérant. T'es-tu sûr? Ouais. Quand Eric avait beaucoup de problèmes de nez. D'allergie, voilà, à l'année longue. C'était Yves-François Blanchet qui l'avait défendu quand Eric s'était fait arrêter en Guadeloupe, en Jamaïque, dans une prison là, pour importation de boissons. Ah, vous ne souvenez pas de celle-là? Non. Non, ça me dit vaguement quelque chose qui se soit fait arrêter dans le sud, mais. Ben, c'est ça. C'est là que j'ai connu François Blanchet, parce que c'était lui qui était sur toutes les tribunes. Il y a un nom assez facile à retenir, mettons. Ouais, aussi. Qu'on voit drôlement. Puis François Blanchet, c'est l'ancien président de la Disque aussi. Donc, quelqu'un d'une très grande culture, si on lui doit ça. Et puis, depuis que beaucoup défendu la musique émergente. Donc, la nouvelle vague de la musique à la disque, c'est lui qui l'a initiée. OK, cool. Donc, maintenant ça va être bon. Okay. Ça, oui, un bon point pour ça. Puis j'ai un respect pour lui parce qu'il a voulu donner la chance aux jeunes. Donc, la disque, c'est une grosse machine qui doit... Ça prend du temps à servir de bord. Mais c'est lui qui a initié ça. Donc, et surtout, c'est un collègue parce qu'il est un bachelier en histoire. Tout comme moi, j'adore les historiens. Et en anthropologie. Et oui, président de la disque de 2003-2006 quand même. Ouais. Donc, pour justifier sa nomination à la tête du ministère de l'Éducation, Pauline Marois a fait valoir que M. Blanchet a déjà été président 3 ans d'affilée du jour de la Terre. Ah. Ouh. Ouais, je suis excité. Ouais. Et qui se préoccupe des questions environnementales. Donc, il est pas à l'environnement, il est à l'éducation, mais... Il va faire l'éducation environnementale. Ah! Ouais, peut-être, okay. Peut-être. Mais tu disais tantôt, est-ce que ça va au mérite ou à la connaissance? On voit ici que ça va plutôt au mérite qu'à la connaissance. Vraiment. Parce que toi puis moi, je suis sûr qu'on est aussi vert que lui. Cool. Hein? Oh, ouais. Et l'opposition n'a pas mis de temps pour réagir à cette nomination de l'ancien agent de chanteur Éric Lapointe. On l'a surnommé le Goon, a rappelé le chef de la CAQ, François Legault. Yves-François Blanchet, c'est quelqu'un qui a la réputation d'avoir les gros bras. On peut se demander si ça va être quelqu'un qui va avoir le doigté pour être au ministère de l'Environnement. Il a trop des gros doigts. Pour pas baisser plus ton ouais, c'est ça. Je sais pas. L'autre nomination très partisane cette fois-ci que Pauline a fait cette semaine, qui fait jaser encore aujourd'hui beaucoup d'interlocuteurs, c'est André Boisclair. Oui. On se souvient d'André Boisclair, qui est un péquiste, un vrai péquiste, qui a voulu devenir chef du Parti québécois. Ça a mal fini, son histoire. Parce que oui, il est homosexuel, il l'avait affirmé, et il a déjà consommé de la cocaïne. Et au Québec, on n'aime pas ça, quelqu'un qui consomme des drogues. Donc, quand ça a été révélé, ça, il a subi une énorme pression, un gros stress de la part de. Ben, c'est l'enfer, là. Écoute, si quelqu'un paye pas son loyer et a été. Éjecté, le chef qui fait de la cocaïne. Donc, André Boisclair n'aurait été chef. C'est pas longtemps. Le chef, dans l'histoire, là, je crois. Qui a eu un passage le plus quickie, le plus rapide. Quick. Il a fait un quickie PM. C'était sur l'heure du midi. Genre, je pense que ça n'a même pas duré 16 mois, sa chefferie au PQ. Donc là. Ça a été controversé. Ça a été. Oui, le PQ avait PQ faisait pitié à cette époque-là. C'était atroce. T'sais, une course au leadership, 14 personnes qui se présentaient. Pauline contre André. André gagne. Pauline démissionne, se retire dans ses terres. Et là, André démissionne à son tour 16-18 mois plus tard. Pauline qui revient pour dire « Je vais être chef ». Elle se fait unanimement nommer chef. Donc, c'est une période assez trouble pour le Parti québécois. Ça fait les annales de l'histoire. On va s'en rappeler longtemps de cette époque-là. Donc, il y avait une certaine... pas controverse, mais une certaine chicane entre André Boisclair et Pauline Marois. Un gros froid. Un gros Disons qu'au Parti Noël, il était passé à la même table et encore moins à la même salle. Okay. Tu sais, il allait Landry, pas chez Lucien Bouchard. Okay. C'était séparé de même. C'est une garde partagée sûrement. Ouais. Et puis, lui, il était consultant pour, entre autres, Talisman Canada, les gaz de schiste. Okay. Il était devenu consultant, une firme consultant. C'est vrai, il a fait beaucoup de lobby, surtout depuis la dernière année, pour les gaz de schiste. Mais là... Puis là, on se dit, André Boisclair, un ancien ministre de l'Environnement du Parti québécois, un des plus jeunes en plus, un gars qui a son diplôme de Harvard, pas un diplôme, qui a fait une année d'études à Harvard, donc on se dit, c'est quand même une tête brillante, ce gars-là. Et puis là, du jour au lendemain, devient pas porte-parole, mais défendeur des gaz de schiste. Tu l'avais-tu vu au franc-tireur? Ouais, ben là, quelques dérapés, là. Ben, qui a parlé des gaz de schiste, justement. Ah, ben, je me souviens dernièrement, là. Ouais, ben, avec l'ADQ, comme quoi le code de vie d'Hérouville, c'était plus un complot ADQ qu'autre chose. C'est ça, c'est ça, exact. Je suis parti à rire. Des complots, là, je suis capable d'en inventer des meilleurs que ça. Donc, lundi, le journal La Presse a révélé que l'ancien chef du Parti québécois bénéficie d'une double nomination. Le nouveau délégué général du Québec à New York, donc qui est du ressort du premier ministre. Habituellement, dès qu'il y a un changement de gouvernement, il y a un changement d'employé partout dans le monde pour dire « Maintenant, tu représentes le Québec à New York. Toi, tu vas représenter le Québec à Paris ou à Londres. » Donc, lui, c'est à New York, qui est quand même l'une des trois grosses villes en importance. C'est bien placé. Non, ben, quand tu t'en vas là, ça veut dire que c'est du top. Là. Donc, André Boisclair qui a été nommé là. Personne n'a fait de vague avec ça. Tout le monde a dit c'est bien normal qu'il se fasse nommer là. C'est un fidèle du Parti québécois. Pauline voulait avoir quelqu'un de sûr. Donc, autant avoir un péquiste à New York. Tu sais, il est brillant. Là. Tu peux pas dire que le gars est pas brillant. Très brillant. Il est très charismatique, très intelligent, très fidèle à son Québec. C'est un nationaliste indépendantiste. Donc, on n'avait pas de crainte avec lui là-bas. Mais il a aussi été simultanément nommé sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales. Et ça, c'était caché. Une première dans l'histoire du Québec que ça se fasse. Cette nomination lui assure une permanence à vie. À vie, là, un salaire à vie. Dans la fonction publique, il y a un accès au régime de pension des administrateurs d'État. Ça se fait, ça? C'est une première, Mathieu. Okay, ouais, non, c'est ça. Mais sinon, ça se fait dans le sens que c'était possible de le faire. T'sais. Ben, ça a l'air que ça se fait. On dirait. Fait que je vais postuler pour tantôt pour devenir moi aussi salarié à vie. Mais lui avait demandé ça à Pauline. Ouais. C'était clair. C'était parce que quand il s'est fait nommer délégué, il dit « Le gouvernement Marois est temporaire. Il pourrait tomber dans 18 mois, 2 ans. Donc, je pourrais me retrouver sans le sou. » Après ça, si on peut le comprendre, veuille assurer son avenir. Ouais. Puis là, il dit à Pauline, je veux aussi un salaire à vie. Puis un salaire à vie, habituellement, c'est dans la haute fonction publique que tu te fais nommer là. Il y en a quelques-unes, qui ont déjà été nommées là par Jean Charest. Dans les dernières années. C'est après, par contre, plusieurs années d'expérience à la fonction publique. Ils atteignent un moment donné... C'est un cadeau. Tu dis, gars, t'as très bien travaillé pour l'État, on te remercie en te donnant une job à vie. À la place d'une montre... Certifiée. C'est ça, plaqué or et non pas mais, or. Mais tu sais, quand tu sors l'argument que, écoute, tu vas te retrouver sans le sou après, je m'excuse, mais c'est un salaire quand même assez exceptionnel que tu reçois sur le champ. Un rythme de vie qui va après. Si t'es habitué de vivre avec 150 000 par année, puis que là, tu te retrouves dans une petite firme PME à 30 000. Non. Oui et non, dans le sens où si tu as un emploi à 150 000, je pense que tu n'auras pas beaucoup de misère à te replacer les pieds. Non, il va pas falloir que tu envoies beaucoup de CV. Quand tu es délégué à New York, habituellement, tu as juste à dire « Hey, j'ai perdu ma job ». Et non, là, les jobs affluent. C'est sûr. Et écoute, si tu fais pas 150 000, tu vas en faire quoi? 140, 145? Peut-être même plus. Peut-être même plus, c'est ça, exactement. Donc, pour justifier cette double nomination, le ministre qui l'a embauché, le généralement habile Jean-François Lisée, que tout le monde connaît, a fourni une genre d'explication qui se résume pour ce propos qu'il a tenu. Jean-François Lisée, et je le cite, « On a décidé de lui donner cette sécurité puisqu'on lui demandait un sacrifice personnel. » OK, j'entends les rires en canne. C'est bon. Le sacrifice demandé à M. Beauclerc est terrifiant. Il consiste à occuper un des postes les plus prestigieux auxquels le gouvernement peut nommer quelqu'un, avec à la clé un salaire de plus de 150 000 $, un appartement de fonction dans un immeuble de prestige et l'accès à tous les privilèges et luxes grands et petits liés à une telle fonction. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Oh oui, c'est vraiment difficile la vie. C'est vraiment pas facile. Comment tu fais? J'ai pas envie avec ça. Hey, mais pourquoi Pauline Marois, en fait, l'a placé là? C'est la question. Au début, c'était supposé être secret, parce que dans le communiqué de presse officiel de sa nomination déléguée à New York, c'était, bon, je l'ai lu le communiqué de presse, puis ça disait juste André Beauclerc vient d'être nommé là-bas. Bon, ben, go, je mets le communiqué de presse à la récupération, je l'ai vu. Mais dans la Gazette de la publication officielle du Québec, donc la Gazette du Québec, tout ce que le gouvernement a fait, les nominations, les embauches, les décrets, les lois, les projets de loi, blablabla, blablabla. C'est un gros journal qui est très intéressant à lire pour les vrais freaks de la politique. Ouais, les férus. Moi, je m'endors dessus. Là. Non, oui. Mais non, tu sais, encore les... Imaginez. Oui. Donc, c'était pas une petite ligne dedans pour dire que t'es nommé fonctionnaire à vie. Hey, là, quand quelqu'un a mis la main là-dessus, tu sais, donc 2 mois plus tard, là, quelqu'un a mis la main là-dessus... a vu ça, a sorti ça dans les médias, et là, bang, la bombe explose. Donc, il avait été nommé, personne s'en était douté, ou personne ne savait. Puis, mais c'est quoi, légalement, ils sont obligés de l'écrire en quelque part? Tout ce que le gouvernement a fait, c'est rédigé dans la Gazette officielle du Québec. OK, parfait. Puis ça, il y a un site Internet là-dessus. Okay. Tu peux aller tout voir ce que le gouvernement a fait, tous les projets de loi qui vont être amenés en chambre. Moi, c'est ça que je me base pour savoir s'ils vont parler de l'éducation dans les prochains jours. C'est indiqué dedans, l'ordre du jour est déjà établi. Donc, c'est un outil formidable pour quelqu'un qui s'en intéresse. OK. Sinon, c'est compliqué à comprendre. Mais, donc, ça paraît là-dedans. Donc, je peux savoir son salaire, ses avantages. Tu sais, tout est là-dedans. Donc là, quelqu'un met la main là-dessus, en informe les journalistes, évidemment. Et là, bang, pauvre Pauline. Ça part. Au moment où faut qu'elle nomme un nouveau ministre de l'Environnement, c'est André Beauclerc qui prend le dessus. Et là, ce que les partis de l'opposition demandent minimalement, exemple Québec solidaire, disent, on demande aux Québécois de se serrer la ceinture. On donne un salaire à 150 000 et plus à un ami du parti pour une job à vie. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? On le saura peut-être jamais, François. Mais pourquoi? Lui, parce qu'il l'a demandé, en fait, elle a dit oui. Il l'a demandé. C'est l'histoire, c'est ça. Écoute, tu peux pas avoir peur qu'il se représente à la chefferie. C'est impossible. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle craint encore. Ou du moins... Bien, c'est passé. Son règne est fait. C'est connu. Son passé est connu. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ne passera plus jamais. Il aurait pu être dans des alliances, dans des une machination derrière elle. Oui, c'est ça. Il peut avoir un certain poids dans le parti, j'imagine, mais... En tout cas, c'est bizarre. Écoute, tu nommes un poste, tu dis, écoute, ça fait pas, je vais choisir un nom. Oui. Si t'es pas content avec ouais. ça. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas. Non, ça, c'est bizarre. Je sais pas, j'aimerais ça, savoir le fin fond de l'histoire. C'est ça, pour l'instant, l'opposition demande juste à Boisclair de ne pas accepter son poste de fonctionnaire. Ouais, comme délégué, c'est l'unanimité. Oui, il va faire la job là, puis il est compétent. Mais comme haut fonctionnaire à vie, on lui demande non. La CAQ dit que c'est un parachute doré. Donc, habituellement, un parachute doré, c'est quand quelqu'un quitte ses fonctions, on lui donne quasiment 10 ans de salaire cash. Comme un recteur. Comme un recteur, ben oui. Le recteur Bourque, ici, est parti avec un parachute doré d'un an de salaire. Donc, on sentait qu'il y avait un double salaire à un moment donné. Mm-hmm. Et, bon, plusieurs autres recteurs, chefs d'entreprise, avec des actions. Au lieu de te payer, on te donne des actions. Donc, c'est un parachute doré pour assurer tes vies. Ah, mais il ne refusera pas. En même temps, ben non, il serait pas fou. Écoute, lui, il l'a demandé, il l'a tenu. Eu. Bon, c'est qui le cave? C'est lui ou le gouvernement? Je pense que c'est ça. C'est ça. Écoute, lui, il crachera pas là-dessus. C'est comme quand tu négocies un contrat d'employé. Non. Je demande 5$ de l'heure de plus. Si on me le donne, je suis bien content. Non, oui. Puis tu peux dire n'importe quoi. Là, tu peux demander un auto avec un voyage dans le sud. Si on te l'accorde. Puis si on te l'accorde, mais tant mieux pour toi. Mais sinon, écoute. Voilà. Donc, la CAQ dit que c'est un parachute doré. Québec solidaire dit qu'il faut... on demande à la population de se serrer la ceinture. Et de l'autre côté, on donne de l'argent à vie à quelqu'un. A quand même une possibilité de se réorganiser dans la vie. Et le Parti libéral, silence. Un gros silence parce qu'eux autres aussi l'ont fait, à moindre échelle, avec, entre autres, Mme Post-it. On s'en souvient de la commission juste avant, pas commission Gomery, mais la commission avant Charbonneau, là. J'oublie son nom. L'ancien avocat qui traîne en cours, Jean Charest, pour avoir la nomination. Bellemare, là. Bellemare, la commission. L'avocat Bellemare. Ouais, ouais. Qui avait demandé une commission là-dessus sur la nomination des juges. Et puis, on avait révélé qu'une haute fonctionnaire nommée par le gouvernement de Jean Charest analysait les CV des juges. Et quand les candidats étaient libéraux, elle mettait un post-it dessus pour dire lui, c'est un candidat à retenir. Oh, lui, il a donné l'argent. Lui, est péquiste. Exactement. Puis quand lui, c'est un péquiste, poubelle. Hey. Donc, c'est Mme Post-it. C'est Chantal Landry. C'est quelqu'un de ma famille, mais que je renie. Non, ben, non, elle n'est pas de ma famille. C'est pas de ta famille. Les racines, peut-être loin. Les racines lointaines de 1600 cuques, là. Non, ça, c'est bizarre. Puis en même temps, écoute, l'inverse se faisait peut-être. Tu sais, dans le sens du Parti québécois, écoute, petit post-it. Puis que là, aujourd'hui, on en vient à dire que. Libéral et péquiste, c'est du pareil au même dans la manière de gouverner le Québec. Ouais. Donc, c'est Pauline, oh. sûr, c'est notre popo. On l'a élu, faut faire avec. Popo. J'ai hâte, on va devoir les grands dossiers en 2013, quoi, l'éducation, sommet? Entre autres, oui. Entre autres. Ben, gars, je vous annonce tout de suite, je vous l'ai dit hier par Facebook, mais je reviens pas la semaine prochaine. Ouais. Parce que c'est le sommet qui arrive à Trois-Rivières. Donc, on va être en huis clos tout du jeudi au vendredi là-dessus. Moi-même, je serai pas admis dans la salle, mais je vais souvent aller aux toilettes, parce que ça laisse au 10-12 que ça se passe. Ah, ouais, ouais. C'est à huis clos? Ouais. Qui est invité là? Ben, le ministre. Ouais. La porte sur le côté. Ah, je sais. Je connais le 10-12 plus que Duchesne, que le ministre Duchesne. Fait que ça se pourrait que j'aille aux toilettes. Allez-vous aller chercher quoi dans la salle? Vous avez un locker, vous autres, là, Jules? Ben, OK. Hein? C'est plate. Oui. Je peux coucher là le soir puis sortir. La cave est mal insonorisée, sûrement si on se fie au reste d'abord, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que en principe, c'est là. François Landry, mon coquin. C'est ratoureux, toi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, on te retrouve pas pour d'ici la fin de l'année? Non. 2013? Merci. En 2013, oui. Oui, good. Tu me diras ton horaire puis je serai ton terrain. Ben oui, ben. Ouais, parce que là, on risque d'avoir des élections générales. Non, c'est une blague. Non. Puis ses dates, puis ses prédictions, c'est ça. C'est ça. Donc, François Landry, merci beaucoup. Fait plaisir, énormément plaisir. Pour tout ce que tu as fait tout au long de la session et en janvier. Ce qui s'en vient en janvier. On se retrouve en janvier. Voilà. Nous, on va conclure l'émission ici, François, parce que la Belle et les Bêtes s'en vient dans quelques minutes à partir de 10h. Donc, restez là pour ça. Alors, on va se quitter sur une pièce de Gaz Lantern juste pour toi, François. Yeah, ça finit bien la semaine. Eh oui. Restez à l'écoute. Après la Belle et les Bêtes, il y aura à 10h le boudoir. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Je serai de retour à 15h pour animer les Palmarès et Fous en compagnie d'Alexandra Carignan et Top 40 de la semaine. À 18h, c'est Soirée au coin du feu avec Mathieu Roy. À 19h, de l'électronique avec 13e étage. Et à 21h, on continue dans le même domaine avec Électro Tactile. Lundi, à l'émission, évidemment, on aura Sébastien Dulude et sa chronique « Va voyeur, je suis ». On aura aussi Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Oubliez pas d'écouter « Le meilleur de C'est fou » les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. Tout bien. Passez par cif.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Ce qu'on s'en va écouter, comme je disais, c'est du Gas Salenta, mais un nouvel extrait du palmarès anglo. OK. Est-ce que tu la connais? Je sais pas c'est laquelle. C'est Here Comes My Man. Oui. Ouais. Oh, oui. Oh, maintenant que t'en parles, oui, je me souviens. Non, mais je savais pas laquelle qu'il avait mis sur le palmarès. Ben, c'est une nouvelle entrée. Oui, c'est une nouvelle entrée et le palmarès se déroule cet après-midi, donc je peux comme pas l'écouter avant. Ah, pas encore. Oui, ben oui. Comment tu veux que je fasse ça? Oui, papa. Oh non. Bonne fête semaine, François. Bonne fête semaine. Yes! Lundi, 7h. Hein? Lundi, ouais, ça s'en vient vite. Il reste deux semaines. C'est presque là, le 17h. Damn.